Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce matin, c'est une histoire de ruban, un long ruban d'asphalte, un ruban de bitume qui traverse les plaines, une route. Ce matin, c'est l'histoire d'un rouleau, un long rouleau de papier de plus de 36 mètres sur lequel l'écrivain Jacques Kerouac a écrit son roman « Sur la route » en 1957. Ce matin, c'est une histoire de galon. Attention, pas le galon avec un seul L qui est une bande de tissu, non. Le galon dont il est question prend deux L et il désigne la mesure de capacité, c'est dans le monde anglo-saxon pour les liquides et notamment quand il s'agit de faire le plein à la station-service. Ce matin, ce n'est pas un galon, un rouleau, un ruban que nous allons couper, mais c'est peut-être dans un coupé, une voiture à deux portes, aux allures sportives, que nous prenons la route, et pas n'importe laquelle, puisque nous sommes en quête des mythologies pétrolières. Prenons la route 66 en nous demandant si le pétrole ne serait pas l'essence même de la civilisation états-unienne. Cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture prospecte l'histoire souterraine du pétrole, après le pétrole comme moteur des conflits mondiaux, après les paysages noirs pollués. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de cette histoire du pétrole avec une question: comment nos sociétés sont-elles devenues pétro-addictes? Toutes ces émissions peuvent être écoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Alors, sommes-nous tous pétro-addicts? Eh bien, pour y répondre, nous recevons ce matin Mathieu Flonneau. Bonjour. Bonjour Xavier Mollet. Vous êtes historien des mobilités, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes président d'une association internationale. Présentez-la nous. Cette association est T2M, Traffic Transport to Mobility, et vise à décontextualiser et à démodaliser l'approche des transports. Donc la route, l'automobile est un sujet, mais tous les autres modes de transport sont évidemment mobilisés. Et nous avons tenu cette semaine notre conférence annuelle à Paris, précisément. J'en étais le co-organisateur essentiel avec la professeure Anne Conchon. Nous avons travaillé sur ces questions d'énergie, nous avons travaillé sur les manières de nous en passer, et ça se terminait par une table ronde sur l'aérien et les questions que pouvait poser cette dépendance aérienne. La dépendance, en fait, est le bon mot quand on évoque l'histoire du pétrole. Pour nous parler également de notre addiction à la voiture au pétrole, nous avons aujourd'hui avec nous Mathieu Ozano, pardon, bonjour. Bonjour. Donc deux Mathieu aujourd'hui, hein. Vous êtes auteur, historien, blogueur spécialisé d'écologie, d'économie, surtout directeur d'un groupe de réflexion de la transition énergétique. Un groupe de réflexion sur la transition énergétique, on est au cœur des préoccupations du moment. C'est quoi ce groupe de réflexion? C'est une association qui s'appelle le Shift Project et qui a vocation à tâcher de pousser à la roue de la transition énergétique, de la mise en œuvre des accords de Paris et de fait de la sortie du pétrole. Comment est-ce qu'on fait pour organiser nos systèmes techniques pour nous passer de cette source d'énergie abondante et pas chère, jusqu'à présent irremplaçable, qu'est le pétrole. Qu'est le pétrole et qui est aussi votre objet d'étude. Donc réfléchir à comment se passer de son objet d'étude premier pour réfléchir à la suite et la portée de cet objet d'étude. Hein. Vous, Mathieu Flonneau, vous avez écrit « Les cultures du volant, 20e, 21e siècle ». Essai sur les mondes de l'automobilisme, c'est aux éditions, aux éditions Autrement. Et vous, Mathieu Ozano, vous êtes l'auteur de Or, O-R, en gros, sur la couverture du livre, La grande histoire du pétrole, Or noir, La grande histoire du pétrole, c'est aux éditions La Découverte. En fin d'émission, nous allons retrouver Anaïs Quien, qui assure la programmation du cours de l'histoire, Anaïs avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous nous intéressons à cette question: nos sociétés sont-elles dépendantes du pétrole? Et avant de commencer à développer cette étendue qu'a pris le pétrole dans nos civilisations, il faut creuser. Nous allons creuser avec un extrait de film, There Will Be Blood, un film pétrolifère. Qu'est-ce que tu fais à Signal Hill? On a du pétrole et il suinte à la surface. Vous voulez pas me payer pour savoir où c'est? Le fait qu'il y en ait en surface n'implique pas qu'il y en ait en profondeur. Alors pourquoi Standard Oil a acheté des terrains? C'est en Californie? Peut-être. Combien ils en ont acheté? Je me sentirais mieux si vous me preniez pas pour un imbécile. D'accord. Pourquoi tu t'adresses à moi ? Votre puits commence à produire ? En effet. Ouais, alors, versez-moi $500 en liquide maintenant, et je vous dis où ça se trouve. Voilà ce que je vais faire, mon gars. Je vais te donner $100. Et si la concession est prometteuse, tu auras $1000 de bonus. $600, tout de suite. Nous sommes aux États-Unis et le pétrole commence à être exploité. There Will Be Blood, un film de Paul Thomas Anderson en 2007, tiré d'un roman paru 80 ans plus tôt. Ce roman, c'est Oil, pétrole donc, écrit par Upton Sinclair en 1927. Dites-nous, Mathieu Ozano, vous avez dans Or Noir, la grande histoire du pétrole, dès l'introduction, une réflexion qui est basique mais essentielle parce qu'on ne la met pas en place. Le pétrole ne nécessite aucune intervention technique majeure pour être exploité. À la différence de la production de l'électricité, vous dites le pétrole ne nécessite pas de maîtriser des sciences très compliquées. Au départ de son histoire, en tout cas, c'est clair. Il n'y a pas de Thomas Edison ou de Marie Curie dans l'histoire du pétrole. Le pétrole s'est même créé bien souvent contre les chimistes. Des chimistes américains qui se plaignaient de la mauvaise qualité du raffinage du pétrole. Le pétrole, en fait, est présent dans l'histoire humaine depuis les temps bibliques. La tour de Babel, son mortier était fait de bitume. Et puis son raffinage utilise des techniques qui sont immémorielles, hein, puisque Rockefeller, le père de la Standard Oil et de la compagnie qui est devenue Exxon, n'a pas embauché de chimiste avant une dizaine ou une vingtaine d'années d'existence de la Standard Oil. Et la première personne qu'il a embauché pour faire le raffinage de son pétrole était quelqu'un qui était un artisan du raffinage des huiles animales et végétales. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut dire que le pétrole, d'une certaine façon, a été offert en quelque sorte par la nature. Et sa propriété principale de générosité, on la retrouve dans l'expression « or noir », puisqu'en fait, le pétrole offre des taux de profit parce qu'il a des qualités extraordinaires et qu'on peut, en tout cas à son âge d'or, on pouvait le récupérer sans avoir des investissements monumentaux. C'est une activité qui offre des taux de profit sans comparaison. Unique. Et avec, c'est vrai, une production qui, dans un premier temps, est facile et qui ne cesse de se complexifier. Quand on regarde l'histoire du pétrole, c'est vrai qu'avec les premiers Derrick où jaillit le pétrole, on est un petit peu avec James Dean dans Géant dans ces moments-là. Et que nous regardons en parallèle l'ampleur que prend l'industrie liée au pétrole dans le monde, on sent qu'il s'est passé avec une rapidité exceptionnelle, une transition entre cette idée de l'or noir qui jaillit et puis l'ensemble de la société qui est, j'allais dire contaminée, mais c'est un peu négatif, par le pétrole. Hein. Mathieu Flonneau, est-ce que l'on peut dire que, et si l'on reste sur les États-Unis, la société des États-Unis doit se comprendre avec le pétrole, parce que dès que l'on dit pétrole, on pense à essence et donc à la route, et les États-Unis se comprennent par la route? Oui, deux choses. Vous avez mille fois raison de commencer par Kerouac, car c'est ce fameux ruban d'écriture qui est la métaphore finalement de toute la société américaine, et en cela on peut comprendre autour de cette civilisation et de l'écosystème carboné et fossile du pétrole, cette société. Quand même un point, c'est-à-dire que on n'est pas resté figé dans de l'huile de roche si basique, facile à utiliser au tout début, mais moi ce qui m'intéresse, et je n'en suis pas spécialiste, mais ce qui m'intéresse, c'est les points de convergence avec l'industrie automobile, et précisément lorsque un inventeur comme Charles Kettering travaille sur les questions automobiles, c'est l'inventeur du Delco, c'est l'inventeur du démarreur automatique, des voitures. Il est recruté ensuite, c'est un inventeur génial, qui est adossé lui-même à la société de consommation. Il a inventé la caisse enregistreuse, il a laissé plus de 180 brevets. Il y a une université à Flint, Michigan, qui porte aussi aujourd'hui son nom. Avec, d'ailleurs, peut-être on en reparlera, une question expiatoire aujourd'hui parce qu'il participe aux analyses sur le climat. Mais Charles Kettering a aussi inventé le fréon, enfin différentes choses fondamentalement contestables au niveau environnemental, vu d'aujourd'hui. Et donc avec cet anachronisme de la non-mise en perspective. Mais Charles Kettering a été finalement l'inventeur de l'indice d'octane. Et l'indice d'octane, c'est quand même un raffinement du pétrole progressif. Et il est parvenu à tirer de cette matière première, eh bien, des performances et une forme de productivité de plus en plus accentuée. Et donc Charles Kettering, c'est aussi l'inventeur américain qui reçoit la médaille Benjamin Franklin, qui a une reconnaissance incroyable, et puis qui, avec cette nouvelle prise de conscience et cette évolution des sensibilités à l'environnement, passe aujourd'hui pour un diable. Parce que finalement, il a, et vous avez employé le mot, et puis le titre de l'émission, l'addiction, est assez négatif en effet, il a inventé eh bien, cette dépendance à une société pétrolière. La dépendance à la société pétrolière nécessite d'être contextualisée. Vous venez de le souligner, hein, Mathieu Flonneau, le fait de promouvoir le pétrole a pu être vraiment valorisé et aujourd'hui c'est décrié. Mais il n'y a pas que cela qui nous intéresse sur le pétrole. Et si nous prenons les premiers temps de l'automobile et du moteur, cette fois-ci nous nous trouvons en Europe, mais le choix n'était pas évident que le pétrole remporte la mise. Quand on regarde les premiers salons de l'automobile, c'est vrai qu'il n'y a pas que du pétrole pour faire marcher les véhicules automobiles. Oui, absolument. Donc ça, c'est un grand classique, effectivement, de la connaissance de l'historiographie automobile. Même l'électricité est présente dès les tout débuts, simplement avec la vapeur, avec d'autres modes de production, le bois, eh bien, il y a eu une forme d'impasse. Et pourquoi le pétrole l'a-t-il emporté ? Par la facilité du utilisation, par la facilité de transport. On ravitaille les automobiles dans des petits bidons, des espèces de briques aujourd'hui, comme les briques de jus d'orange. Et donc c'est transportable. Il y a une dimension là qui a facilité l'autonomie, l'autonomisation et l'automobilisation de la société et des territoires. Donc très vite, la question de l'autonomie, qui est toujours un frein au développement de l'automobilisme électrique, la question de l'autonomie fait gagner au pétrole la partie que vous avez signalée comme étant en effet très incertaine au tout début. La première voiture qui dépasse les 100 km/h est une voiture électrique, elle est au musée de Compiègne, c'est la Jamais Contente. La première voiture qui dépasse les 200 km/h est une voiture à vapeur aux États-Unis. Donc la chose, parce qu'elle est très liée à la performance, aussi au sport, c'est une dimension quand même de la désirabilité de cette société qu'il faudra mentionner. Cette dimension, eh bien, elle n'est pas jouée d'avance en effet. Le pétrole n'a pas parti gagner d'avance. La dimension du pétrole dans l'automobile, cet aspect qui devient pour nous essentiel et qu'il ne l'était pas à l'origine, s'impose sans doute grâce aussi au mode de production des États-Unis. En tout cas, c'est la représentation que nous pouvons avoir. Est-ce qu'elle est juste de dire, il faut citer son nom, Ford, est-ce que Ford, qui alors modifie les modes de production et qui propose une voiture qui est très efficace, la Ford T, est-ce que Ford impose le pétrole parce qu'il devient le modèle? Est-ce que cette image qu'on a en tête doit être nuancée ou est-ce qu'elle est vraie? Non, l'image est tout à fait exacte. Simplement, il faut bien comprendre le Fordisme qui vient après le Taylorisme, c'est-à-dire le séquençage du travail. Et la chaîne, finalement, que Ford applique à la production automobile. Mais attention, il faut sortir de l'usine. Parce que Ford n'invente pas simplement un lieu de production, il invente la manière de consommer le produit qu'il produit. Je veux dire par là que Ford invente, et c'est surtout cela, son génie, le haut salaire ouvrier qui va permettre d'inscrire les ouvriers non seulement dans une forme d'acquiescement à la société de consommation, parce que l'espoir va être d'accéder à la possession de ce qui est le plus valorisant à l'époque, c'est-à-dire l'objet automobile, et de se raccrocher à cette société par palier de la société qu'est la société américaine, une société qui est inclusive, une société qui ne désespère pas Billancourt, si j'applique la métaphore française, et donc qui ne relègue pas l'ouvrier qui est à la tête haute dans ce système parce que il peut goûter à la société de consommation. C'est ça le Fordisme. C'est ça. C'est plus que le Taylorisme, voilà. Bien sûr. Taylor, il a son chronomètre et il regarde les gestes des ouvriers, alors que Ford a une vision beaucoup plus globale de la société. C'est une vision de la consommation et c'est une vision aussi du temps hors usine, du temps libre, que l'ouvrier passera à consommer des Ford. Mathieu Ozano, cette importance du personnage de Ford dans le développement de l'automobile et donc du pétrole, vous la constatez aussi quand vous étudiez l'histoire de l'or noir? Oui, mais alors moi j'ai une perspective qui est inverse, qui je pense qui est complémentaire. Ce qui m'intéresse, c'est les propriétés physiques du pétrole et pourquoi il a pu s'imposer en large partie par lui-même, non pas par le génie ou le dynamisme d'un Rockefeller ou d'un Ford, mais parce que Ford invente une forme d'industrialisation qui est propre aux États-Unis et qui va faire florès. Mais en amont de ça, on peut constater que le pétrole, dont les États-Unis deviennent très rapidement, avec la Russie, premier producteur mondial, offrait des qualités propres qui lui permettaient de s'imposer face à la vapeur ou face à l'électricité. Des qualités physiques. C'est ça qui est intéressant de la perspective d'aujourd'hui, où on se pose la question de la sortie du pétrole. C'est que il offrait des qualités qui étaient exceptionnelles. Typiquement, vis-à-vis de l'électricité en particulier, le pétrole cumule la fonction de flux et de stock. L'électricité ne se stocke pas. Donc le système, c'est un paradoxe, un moteur électrique est plus efficace, bien plus, un rendement bien meilleur qu'un moteur à combustion interne. Par contre, le système qui est autour de l'électricité permet de mettre à disposition de l'électricité en abondance est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué que un système d'approvisionnement pétrolier. Vous allez essayer de me corriger si je dis une énormité, mais c'est vrai que l'essence donne un aspect beaucoup plus individualiste au déplacement parce que l'on dépend moins, vous l'avez dit Mathieu Flonneau, en transportant par exemple un bidon d'essence que de l'électricité qui nécessite des bornes, qui nécessite de s'arrêter. Est-ce que la notion d'indépendance que l'on associe très facilement aux États-Unis, c'est vrai que l'individu est au cœur de la société états-unienne, est-ce que le pétrole favorise cette indépendance ou est-ce que l'électricité aurait pu aussi l'emporter? On imagine bien que l'électricité demande plus de structure. Oui, enfin, l'automobile exige beaucoup d'infrastructures. Et vous avez commencé sur les rubans autoroutiers, c'est une évidence. Il faut des stations-service. La couverture de mon ouvrage ne présente pas d'automobile, mais présente une station-service de Edward Hopper. Et évidemment, vous êtes là devant cet écosystème que l'on ne voit plus à force d'évidence, c'est-à-dire tous ces roadsides que les anglo-saxons qualifient ainsi, et qui effectivement accompagnent l'individualisme. Mais je dirais que c'est la validation du modèle américain, de cet individu roi, de cette conquête aussi des espaces vierges, qui est pour partie une illusion, mais pour partie également une réalité. On aura l'occasion d'y revenir, peut-être parce que, au travers par exemple de toute la politique des parcs naturels américains, elle n'est rien s'il n'y a pas d'automobile. C'est-à-dire que pour gagner les parcs naturels américains, il y a beaucoup d'études, même en histoire de l'environnement, l'ont reconnu. C'est-à-dire que la consécration de la wildness, de la nature sauvage américaine, est le fait de la civilisation automobile. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Yellowstone, mais évidemment, à l'intérieur... Vous disiez, Mathieu Lozano... Non, pardon, Yellowstone, c'est très très loin. Voilà, et à l'intérieur de ces parcs juste. Américains, évidemment, zéro voiture. Ça serait totalement antagonique. Mais pour les gagner, ces parcs, et les réglementations sont extrêmement strictes, naturellement, pour les gagner, ces parcs, il faut une voiture. Et il faut un jerrycan qui est pratique pour faire le plein si on tombe en panne. Ce qu'on peut pas trop faire avec de l'électricité, c'est pas assez. L'électricité ne se stocke pas. La principale qualité, encore une fois, du pétrole, c'est qu'il il cumule la fonction de production et de stock, de flux et de stock. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons aujourd'hui comment nos sociétés sont devenues pétro-addictes. Elles sont peut-être en train de sortir de cette addiction. Et pour faire un écho à ce que nous évoquons, c'est-à-dire les sociétés américaines qui sont attachées à leur automobile et à leur pétrole, nous allons écouter une analyse d'un Français, c'est Roland Barthes, qui parle d'une voiture française, c'est la Citroën. Nous étions en 1957. C'est une comparaison entre la voiture et les cathédrales. La nouvelle Citroën, dites-vous, est-ce qu'il ressemble plus, selon vous, aux cathédrales gothiques? J'aimerais que vous expliquiez. C'est une sorte d'image de début que j'ai employée, parce que je crois en effet que maintenant, une automobile, surtout une automobile nationale, n'est-ce pas, appartenant à une marque nationale, est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme, d'ouvriers, d'ingénieurs, et en même temps rencontre une très grande consommation collective, exactement comme pouvait être à la fois produite et consommée les grands édifices religieux du Moyen-Âge. Oui, mais vous pensez qu'il y a un mythe citroëniste? Je crois d'ailleurs. C'est pas oui, c'est bien possible. Oui. Enfin, la nouvelle Citroën, en tout cas quand elle est apparue, la DS19, a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique, luisant, sans jointure, avec beaucoup de vitres, une sorte d'objet tombé du ciel, comme dans les contes de Voltaire. Roland Barthes qui parlait en 1957 de la Citroën, une de ses mythologies. Peut-on évoquer ou transposer l'analyse de Roland Barthes sur la civilisation des États-Unis? Mathieu Flonneau, est-ce que la voiture est une cathédrale aux États-Unis aussi? Ah, il y a un investissement populaire, une ferveur, une lecture quasiment religieuse, effectivement, d'un véhicule qui a été, dès les débuts aussi, diabolisé parce qu'il était destructeur des communautés traditionnelles. Et donc, il y a toute une lecture, une historiographie américaine qui en fait le chariot de Dieu ou le chariot du diable justement dans les sociétés traditionnelles Et puis de voir que certaines communautés américaines les refusent, les Amish par exemple, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est d'ailleurs en Pennsylvanie, à deux pas des grands lieux de l'automobilisme américain. Je vous renvoie aujourd'hui à des réserves finalement d'aficionados d'automobiles, par exemple à Allentown, où Nicolas Bulgari, le grand milliardaire américain, a une collection d'automobiles à deux pas de Bethléem. Bethléem, alors toute la mythologie de la sidérurgie américaine y est présente, mais on est aussi à deux pas de chez les Amish, qui la refusent. Comment l'histoire du pétrole s'inscrit dans cette mythologie? C'est-à-dire que l'automobile, nous le disions, fait partie de la culture aux États-Unis, elle est consubstantielle de ce que sont les Américains, ou en tout cas de la manière dont ils se représentent eux-mêmes et leur territoire, parce que l'automobile, c'est le déplacement, donc c'est du territoire. Mathieu Ozano, est-ce que le pétrole lui-même fait partie de ce mythe? Le pétrole, c'est vrai que l'on pense tout de suite aux grands champs pétrolifères, le Texas, ça fait partie aussi de la culture américaine. Oui, c'est en amont de la culture du pétrole, de l'automobile. C'est peut-être plus discret, néanmoins, quand on regarde la manière... C'est vraiment la source. C'est plus discret parce que c'est plus loin en amont. Los Angeles, qui est peut-être la mégapole emblématique des mégapoles du XXe siècle, a poussé littéralement sur des champs de pétrole qui sont largement épuisés aujourd'hui. Mais cette générosité du pétrole en Californie, à Los Angeles, a structuré le rêve américain. On peut prendre comme exemple le fait que l'usine à rêve, Hollywood, a été en partie financée par des capitaux de l'or noir. Wall Street, à l'opposé, les deux grandes banques américaines, les deux piliers quelque part de Wall Street que sont la Chase Manhattan et ce qui va devenir Citibank, sont deux banques Rockefeller. Deux banques qui ont littéralement poussé sur la générosité des profits pétroliers. Mathieu Flonneau, nous évoquons Los Angeles. C'est vrai que... Le road movie, c'est une essence du rêve américain transposée dans les industries qui sont contemporaines. Finalement, le pétrole apparaît avec l'automobile, en même temps que le cinéma, et cette idée du mouvement perpétuel, quasiment de la société américaine, que Kerouac reprend sur la route, eh bien c'est une évidence. On peut quand même ajouter quelque chose sur ce que disait Barthes tout à l'heure, parce que, évidemment, cette religion suscite une ferveur, mais à rebours, et aujourd'hui, évidemment, c'est une victime expiatoire, et tout le car bashing et tout le highway bashing, évidemment, pourrait être lu comme, eh bien, cet effet à rebours d'une guerre de religion autour, eh bien, d'un objet qu'il s'agit désormais de conspuer et d'exclure de la place publique. Exclure de la place publique, mais impossible de l'exclure de notre culture, de notre imaginaire. L'automobile est dans notre monde. Mathieu Flonneau, vous avez évoqué la culture, le road movie. On ne peut pas s'en passer. Partons. Born to be wild. Born to be wild. Là, nous sommes vraiment sur la route. Born to be wild, c'est le groupe Steppenwolf, et c'est en 1968, mais surtout, c'est un élément majeur de la bande originale du film Easy Rider de Dennis Hopper l'année suivante. Oui, Dennis Hopper juste disparu, hein, très récemment, l'année dernière. Et c'est aussi un hommage finalement à cette contre-culture naissante, parce que autour de Woodstock et de ce festival de la jeunesse qui va se tenir en 1969 et que France Culture a largement commémoré, il y a énormément d'ambiguïté. C'est le plus gros embouteillage de l'histoire, quasiment Woodstock. Et en même temps, on va contester la société automobile. Donc il y a beaucoup de choses aussi autour de ce rapport avec le cinéma, vous l'avez évoqué. Un film comme Green Book, et là ça nous ramène à cette essence de la civilisation américaine profondément démocratique et profondément inclusive. Et j'insiste sur les deux mots, je peux même les répéter, profondément démocratique et profondément inclusive, parce que Green Book, ça montre, et c'est l'illustration de la thèse Cotton Sailor sur la république automobile. La république automobile américaine, c'est une république qui inclut des minorités qui prennent le volant, la minorité afro-américaine bien évidemment, mais aussi les femmes. Et on peut considérer là que cette culture qui était essentiellement machiste, et que l'on tend parfois à caricaturer comme essentiellement machiste, a aussi intégré évidemment les conductrices. Et c'est important d'ailleurs de souligner hein, cet aspect autour de l'automobile qui touche l'ensemble de la population. Et c'est vrai que c'est une image de la ménagère qui va faire ses courses aux États-Unis dans sa grosse voiture. Et vous avez la multimotorisation qui est derrière et vous avez les motorisations générationnelles aussi. C'est très important. C'est-à-dire que les grands-parents vont continuer de conduire et éventuellement, lorsqu'ils abandonnent le volant, ils lèguent la voiture à la nouvelle génération. Il y a un passage de témoin qui peut être assez émouvant. Qui est d'ailleurs une scène, excusez-moi, une scène classique de film où l'étudiant récupère la grosse voiture et il arrive au collège ou à l'université. Même la démographie, il paraît que dans les années 50-60, j'avais trouvé une statistique qui disait que près d'une demande de mariage sur deux avait lieu dans un drive-in. Oui, et alors ce qu'avait complété un ami, c'était probablement un nombre très important de premiers rapports sexuels avaient lieu dans la voiture en regardant l'expression de l'usine à rêve sur l'écran. Et surtout que les voitures sont grandes aux États-Unis. Il se boucle sur lui-même. Nous entendions un extrait de la bande originale du film Easy Rider, Born to be Wild. Dans votre ouvrage, Mathieu Ozano, Or noir, la grande histoire du pétrole. Dans le cahier iconographique, il y a une photo d'Easy Rider, capture. Easy Rider, c'est le réservoir. C'est le chopper du personnage qui est incarné par Peter Fonda, qui s'appelle Captain America. Et Captain America chevauche une chopper, dont le réservoir, c'est-à-dire l'endroit où on met l'essence, est peint aux couleurs du drapeau américain. Et c'est à l'intérieur de ce réservoir, je trouve une métaphore filée absolument merveilleuse dans l'histoire du cinéma, que Captain America cache ses dollars, cache l'argent qu'il vient de récupérer. Donc finalement, l'or noir, le dollar, l'expression du rêve américain, tout ça se retrouve dans le chopper de Captain America dans Easy Rider, qui est effectivement un film fantastique. Oui, ce réservoir de moto qui est la synthèse en fait du mythe américain où l'on trouve le drapeau, le pétrole, l'argent. Certains y verront une caricature. Ouais, oui, mais là, la caricature est là pour être analysée. Oui, même le titre Easy Rider. Est-ce que Captain America et son acolyte ne cherchent pas à sauver l'Amérique d'elle-même en fait? Que le ride est presque trop facile à ce moment-là. Et on peut boucler aussi avec une citation fameuse où il s'agit de pétrole dans un film qui pour moi est un pendant ou la suite peut-être, qui est Apocalypse Now, où on parle de l'odeur du napalm, donc du kérosène au petit matin. Dans la guerre du Vietnam, qui est le grand drame qui clôt la décennie du rêve américain dans ce qu'il aurait pu être, dans ce qu'il aurait pu avoir de messianique. Et justement, vous évoquez, Mathieu Ozano, cette fin d'un rêve américain. Et nous allons évoquer justement la fin du rêve brutal, ou en tout cas un renouveau des interrogations liées au pétrole à partir des années 1970 à cause des chocs pétroliers. Nous allons en parler dans le cours de l'histoire sur France Culture, mais juste après, un petit regard souriant sur notre addiction au pétrole. Il ne vient pas des États-Unis, ce regard souriant. Non, il vient de France. C'est Pétrole Pop. C'est la bande originale d'un film, Moi, il y en a vouloir des sous, de Jean-Yann, en 1973. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le pétrole. J'aime ça, le pétrole. N'importe quoi pour du pétrole. Moi j'aime le pétrole. Oh, il aime le pétrole. Il aime le pétrole. Nous aimons le pétrole. Vous aimez le pétrole. Ils aiment le pétrole. Je suis capable de tout pour du pétrole. Un homme qui a du pétrole, je flambe. Pétrole Pop dans le film Moi, il y en a vouloir des sous de Jean-Yann. C'était en 1973 et c'est dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Moi, il y en a vouloir des sous, film de Jean-Yann en 1973. Cette date, nous la connaissons parce que nous l'apprenons dans les manuels scolaires. C'est le choc pétrolier, le premier choc pétrolier. Il y en a un après, en 79. On connaît cette date. Dites-nous, Mathieu Ozano, que signifie ce choc pétrolier dans la grande histoire du pétrole? C'est le titre de votre livre, hein, Or Noir. Mais c'est une rupture, en fait. Oui, tout le monde sait, tout le monde a cette résonance de cette date comme étant un moment, peut-être un grand midi dans l'histoire économique du XXe siècle. C'est à partir de ce moment-là qu'en Occident, on découvre le chômage de masse, l'endettement, le début de la fin de l'industrie. Et finalement, ce qui est curieux, c'est qu'on perd de vue, on a retenu que 73 est une date charnière, la fin des Trente Glorieuses, mais la dimension strictement pétrolière, pourquoi c'est une crise pétrolière, finalement, on le perd de vue. On se rappelle que c'est interprété largement comme un coup de boutoir des produits des pays pétroliers arabes qui sanctionnent Israël et ses alliés après la guerre du Yom Kippour. Mais ce qui est intéressant, de mon point de vue, j'essaie d'avoir une lecture écologiste, de regarder en quoi l'environnement induit des cheminements historiques. C'est tout sauf anodin de constater que ce choc de 73 succède à un autre événement qui est un événement pour moi non moins décisif, et même encore une fois en amont de cette crise politique, qui est un événement écologique, qui est le début du déclin de la production de pétrole de l'Amérique, de la Grande Amérique, premier producteur mondial de pétrole pendant tout le XXe siècle, jusqu'à cette date de 70, où le Texas, l'Oklahoma, les deux plus grands, la Louisiane, induisent un déclin de la production globale des États-Unis. Il y a un membre du cabinet de Nixon qui, à ce moment-là, lorsqu'on a constaté qu'effectivement la production américaine entrait en déclin, a eu cette expression, il a dit « Popeye est à court d'épinards ». Ce qui est une expression... voilà. Et on comprend très bien que, si on analyse ça comme ça, on voit que 73 a permis de développer les premiers pétroles chers, les premiers pétroles compliqués, en Alaska et en mer du Nord, et que c'était pas possible avant. Bref, c'est une thèse que je développe dans le bouquin, mais le Shah d'Iran, qui était le plus grand allié des États-Unis autour du Golfe Persique, qui a été le véritable pyromane du choc pétrolier, qui s'en moquait un petit peu de la Palestine et de la guerre du Yom Kippour, a dit des années plus tard que c'était à cause de Kissinger. Qu'il avait mis le feu au baril quelque part. Et si on regarde ce qui se passe après, on voit à quel point l'hégémonie américaine surinvestit, déplace en fait l'exercice de sa puissance autour du Golfe Persique, donc à l'autre bout de la planète, où effectivement se trouve le centre de l'échiquier pétrolier mondial, tout simplement parce que c'est là que restent les plus grandes réserves exploitables de pétrole. Mais ce qui est passionnant, c'est que je trouve que ce qui est extrêmement fertile comme réflexion, c'est de se dire que toute cette évolution 73 et tout ce que ça induit part, à mon sens, d'une évolution qui est écologique, c'est-à-dire le début de l'épuisement du pétrole américain et quelque part un peu le début du délitement. Il se trouve que ça coïncide avec le début du délitement du modèle américain. Et c'est pertinent ce que vous nous dites là, hein, Mathieu Ozano, c'est-à-dire qu'en 1970, quand il apparaît... C'est une hypothèse, ce que je décris n'est pas du tout une thèse... C'est pas une thèse, mais elle est intéressante comme approche, parce que dominante. Nous voyons une chronologie fine. 70, les États-Unis ne sont plus les premiers producteurs, nous sommes dans un contexte très particulier, perte de puissance, montée du monde arabe, et nous avons une rupture qui s'explique par le choc pétrolier. Mais là, nous sommes sur la chronologie fine et c'est très efficace dans une lecture de l'économie de cette grande histoire du pétrole. Mais je me tourne vers vous, Mathieu Flonneau. Vous êtes l'auteur donc Les cultures du volant 20e, 21e siècle aux éditions Autrement. Vous faites de l'histoire culturelle. Dans une lecture d'histoire culturelle, nous sommes jamais sur les mêmes temporalités. Est-ce que ce choc pétrolier, ces années 70, transforme vraiment la société américaine ou en tout cas quelles sont les adaptations? Comment ça se passe? Ben, disons que là, la séquence chronologique est quand même assez courte, d'une décennie d'apogée du modèle américain et de sa remise en question, effectivement coïncide assez avec cette crise géopolitique majeure qui vient d'être très bien évoquée. Je pense quand même que on vient de l'évoquer aussi, la remise en question du modèle de consommation américain, mais il faudrait voir aussi une crise de la société automobile américaine avec Ralph Nader qui publie en 1965, qui sera plus tard un candidat écologiste aux élections américaines, non sans dégâts d'ailleurs pour le Parti démocrate. Mais dans cette perspective-là, Ralph Nader qui publie en 1965 un ouvrage qui remet en question les belles américaines et les grandes voitures démesurées dont la consommation est juste ahurissante aujourd'hui, évidemment vous êtes là devant une remise en question globale qui porte aussi bien sur le monde amont et le monde premier. Je veux dire par là le monde premier de la production des véhicules, de la gamme, mais aussi de la manière de consommer et puis d'approvisionner ces véhicules. Oui, il y a une réelle transformation. D'ailleurs, on va se souvenir d'un morceau de notre patrimoine. Je pense qu'il reste gravé dans les mémoires de beaucoup d'auditeurs, dans les nôtres aussi. Nous étions en 1976 en France, en pleine crise pétrolière, pour une campagne d'information de l'Agence pour les économies d'énergie. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante, la pétanque, une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée, la tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça, et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque, une chose essentielle, le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher, trop cher, c'est notre richesse qui s'en va, et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. À partir du 15 septembre, l'Agence pour les économies d'énergie vous dira comment. Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Nous étions en 1976 en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. C'est resté ça très fort. Pour les États-Unis, la situation n'est pas la même. Aux États-Unis, il y a du pétrole par le fait. On peut exploiter du pétrole. La crise pétrolière change également là-bas la volonté de peut-être trouver d'autres voies possibles pour se déplacer. La société de l'automobile, et moi j'aime bien votre sous-titre, hein, essai sur les mondes de l'automobilisme, parce que l'automobilisme recouvre quelque chose de beaucoup plus vaste. Cette société des États-Unis essaye de se transformer au moment où la notion de raréfaction de la ressource pétrolière se pose vraiment. Oui, alors la phase d'ébriété énergétique prend fin à cette date. On prend conscience du fait qu'il s'agit de limiter alors la consommation moyenne, les techniciens appellent ça le café, des gammes automobiles, et les constructeurs doivent s'ajuster de ce point de vue-là. La question du peak oil, qui est un grand fantasme qui est projeté sur l'épuisement de cette société, effectivement invite à réfléchir sur le système d'autoroute qui a été conçu à partir d'une loi fédérale en 1956. Tout de même, 41 000 miles d'autoroutes ont parcouru après les États-Unis. C'est le plus grand projet public d'infrastructure qui a été lancé par le président Dwight Eisenhower à cette période. C'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt, y compris dans les villes, où là, on commence à réfléchir avec Jane Jacobs et bien d'autres à une lecture environnementale. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point évoqué dans une de vos précédentes émissions. La contestation existe, indiscutablement, mais elle est marginale. Et j'insiste sur ce point, parce que là, il ne faut pas faire de téléologie et donc mépriser la chronologie et faire d'anachronisme, qui est le péché mortel de l'historien. Évidemment, ça existe. Et pour avoir étudié ces phénomènes à Paris, pour avoir mis moi-même en circulation des archives qui contestaient, des archives d'associations, mais qui étaient extrêmement minoritaires et qui contestaient les grands projets, combien d'acquiescements? Parce que si l'automobile est un problème, c'était une solution majeure à beaucoup de chose. Et l'origine des Trente Glorieuses, et on y mettra tous les guillemets que l'on veut, mais l'origine des Trente Glorieuses est dans cet acquiescement et dans cette désirabilité de cette société de croissance, de progrès partagé et de progrès social. Je réfléchis à haute voix, mais j'ai l'impression que le modèle de développement américain est tellement lié, il y a une telle intrication avec l'abondance énergétique que constitue le pétrole, qu'on se demande si le modèle d'urbanisme, le modèle de transport, les structures fondamentales des États-Unis pourraient exister sans le pétrole. Et typiquement, les années 70, il y a une réflexion marginale et avortée de la sortie du pétrole, qui est initié. Alors on se souvient de Jimmy Carter et des panneaux solaires qu'il avait mis sur le toit de la Maison Blanche, que Reagan avait fait, que le président Reagan avait fait immédiatement enlever dès son investiture. Mais même Nixon commence à réfléchir à ça, fait des déclarations au Congrès en disant nous avons pris pour un fait acquis l'abondance énergétique qui a permis l'essor américain, mais c'est quelque chose qui est très bien compris par les élites, et en partie par les élites politiques américaines depuis très longtemps. Le président Coolidge, je reviens un peu en arrière, qui est le président des Roaring Twenties, on parle pas des années folles aux États-Unis, on parle des années 20 rugissantes comme le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui est né près des champs pétroliers, mais aussi comme le moteur des voitures, avait dit, il est possible que finalement la suprématie des nations soit dépendante de sa capacité à mettre la main sur des ressources adéquates en pétrole. C'est-à-dire, pour effectuer une puissance, il faut des ressources adéquates en énergie. Et si vous voulez, moi j'ai commencé ce travail sur le pétrole avec Bush, avec le 11 septembre, avec l'invasion de l'Irak. C'est-à-dire que comme jeune journaliste professionnel, je me suis dit, mais c'est quand même... Je n'arrivais pas à croire que la famille Bush pouvait avoir des liens anciens et des liens d'affaires plus que des liens d'affaires, avec la famille Ben Laden. Je me disais, mais quelle est la probabilité pour arriver à ça? Et est-ce que ça, c'est une singularité dans l'histoire américaine, ou est-ce qu'au contraire, il y a une continuité? Et quand on regarde, en fait, l'expression de la puissance américaine sous toutes ses formes, politiques, économiques, militaires et tributaires, en amont, à l'origine, à la source de l'abondance pétrolière, contrôlée directement au Texas, et plus tard, contrôlée par proxy autour du Golfe Persique. Et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on ne comprend rien à l'histoire qui va se dérouler sous nos pieds avec le 21e siècle, qui aura commencé tout de même avec une guerre du pétrole qui est l'invasion de l'Irak en 2003. Cette formule de George Bush Junior disant le mode de vie américain ne se négocie pas, et donc à partir de là, évidemment, c'est une impasse. Ce mode de vie américain qui était présenté comme étant brillant, tout puissant en 1939 lors du World's Fair de New York, l'exposition universelle organisée sur la côte Est, avec des halls et des pavillons incroyables de Ford, de Chrysler, des Big Three et de la General Motors Corporation. Et vous aviez là des motoramas, des expositions ambulantes également, qui ont tout au long du territoire américain déroulé ce mode de vie. Et même au-dessus du territoire américain, puisque on peut se rappeler que la NASA, enfin je veux dire, la capacité à envoyer l'homme sur la Lune, la fusée Saturn V décolle avec du kérosène et des dérivés de pétrole. Ce qui a permis aux Américains d'envoyer l'homme sur la Lune, c'est la puissance énergétique américaine et la puissance des raffineries de Houston. Le centre de contrôle spatial, il est à Houston et c'est tout sauf un hasard. Houston qui est le cœur de l'industrie pétrolière américaine. Et sur la conquête spatiale, pardonnez-moi, mais juste un mot de plus. Bah, les Américains ont réussi à mettre plusieurs véhicules sur la Lune et récemment, Elon Musk a consacré en quelque sorte la puissance de Tesla en propulsant un roadster dans l'espace. Et cette question économique, cette question politique a aussi un impact culturel. Nous parlons de puissance, nous pourrions parler de fierté, fierté des États-Unis, fierté du progrès, de la prospérité. La voiture a longtemps été le symbole de ce progrès. Elle le demeure. Mais toutes ces réflexions qui se posent aujourd'hui sur faut-il une transition écologique, comment faire la transition écologique, quelle est la place de la voiture, peut poser un problème pour la société. Mathieu Flonneau. Ce qu'on constate, c'est qu'avec acharnement, toutes les sociétés qui participent des GAFAM, de cette nouvelle économie qui relègue l'ancienne avec beaucoup de mépris, cherchent à développer l'automobilisation. Mmh. Alors, ça passera peut-être pas par une automobile, mais il y a l'idée de développer tout de même ce mouvement individualiste. Et on a vu s'intéresser, alors avec plus ou moins de succès, hein, les grands comme Waymo, comme Google, à l'automobile. Mais malheureusement, l'automobile est une industrie dure, fordiste encore, et il est très difficile de produire une voiture en série. Il est très difficile de produire une voiture en série, il est très difficile de comprendre la place du pétrole, mais avec vous Mathieu Ozano et avec vous Mathieu Flonneau, c'est beaucoup plus clair. Il est 9h49 sur France Culture dans le cours de l'histoire et nous retrouvons Anaïs Quin pour le journal de l'histoire. Anaïs Quin, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui commencent les assises de la forêt. La situation des forêts françaises et leur avenir y seront évoqués avec des résultats de 2 jours de discussion qui seront ensuite transmis à la commission d'enquête citoyenne lancée en septembre. C'est ça, par plusieurs parlementaires. Alors, s'il est une forêt qui a déchaîné les passions avant l'été, c'est une forêt de poutres, celle de la charpente de Notre-Dame, réduite en cendres au mois d'avril dans l'incendie de la cathédrale. Un joyau du XIIIe siècle en proie aux flammes. La charpente de Notre-Dame, baptisée la forêt en raison de ses centaines de poutres de chênes entrelacées, la voici à l'automne dernier. On a tellement utilisé de chênes que ça correspond à quasiment une forêt entière. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la forêt. Ça veut dire qu'il y a encore ici des poutres qui datent du XIIe siècle ? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est ce qui fait justement la grande richesse, le grand intérêt de la charpente de Notre-Dame de Paris. Que sait-on aujourd'hui? Dans l'ouvrage collectif « La forêt au Moyen-Âge » aux éditions des Belles Lettres, les auteurs ont inséré quelques pages sur l'état des connaissances très récentes de cette forêt devenue monument. D'après les prélèvements de 1994, les arbres utilisés pour la charpente de Notre-Dame avaient en moyenne 120 ans et dataient majoritairement du XIIIe siècle. L'incendie de la cathédrale est irréparable, mais les débris de la catastrophe sont une opportunité pour la recherche. Un groupe du CNRS dédié à cette tâche a été formé pour l'exploitation scientifique de ces morceaux de bois brûlés et des matériaux voisins. Chaque clou est un indice de plus dans la connaissance de la fabrique de Notre-Dame. Ces reliques calcinées peuvent nous renseigner sur l'évolution du climat, sur les pratiques artisanales, sur les choix et les arbitrages 8 siècles après leur transformation en matériaux de construction. Après l'incendie, la charpente de Notre-Dame a viré à l'obsession. Le débat s'est enflammé sur la nature de la restauration à choisir, alors que l'enquête sur l'origine de l'incendie prenait des tours d'enquête criminelle dignes d'un roman au suspense insoutenable et finalement sans issue. Une ligne de partage s'est dessinée entre l'option d'une restauration à l'identique, en bois, au premier rang desquels se trouvent les architectes des monuments historiques, soutenus par les professionnels de la filière bois. De l'autre côté, sans parler de guerre civile, nous sommes en bonne compagnie, les tenants d'une restauration high-tech sur le modèle de la cathédrale de Reims à la charpente reconstruite en béton armé. Parmi ceux-là, un groupe de chercheurs américains de Columbia, iconoclastes, s'est positionné très radicalement. Et selon eux, il ne faut pas rebâtir comme avant l'incendie. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne pouvons pas prendre le bois utilisé au XIIe siècle et recréer exactement de la même manière ce qui a été réalisé il y a si longtemps. En France, plusieurs architectes se sont dit favorables à une reconstruction de la charpente à l'identique, avec du bois de chêne et les méthodes de l'époque. D'autres souhaitent utiliser des procédés plus modernes et des matériaux plus résistants comme du béton ou du titane. Travailler dans l'air du temps, une idée que partagent ces professeurs américains. Au-delà de la disparition d'une partie d'un patrimoine mondial largement commémoré, qu'avait-on perdu ce jour-là? Et que recèle cet intérêt si prononcé à répéter le mot de forêt pour désigner une charpente? Le crime est d'autant plus grand. Symbole nourricier, lieu de tous les dangers, refuge pour certains, espace initiatique pour d'autres, la forêt, particulièrement médiévale, embrasse un imaginaire si riche que son effacement matériel semble insupportable. Ce n'est plus seulement un monument d'exception, c'est un bout de nature, de la plus sauvage, et donc de la plus nature, et le deuil d'un imaginaire merveilleux et héroïque qui semble nous échapper. Merci beaucoup Anaïs Quin, vous revenez demain avec un nouveau journal. En tout cas, pour le moment, toutes les informations et les liens utiles sont sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. Dans le cours de l'histoire, nous avons réfléchi à nos sociétés. Sont-elles addictes au pétrole? Mathieu Flonneau, vous êtes président d'une association internationale de réflexion sur les mobilités, et donc ça nous concerne complètement. Et vous, Mathieu Ozano, vous êtes à la tête d'un groupe de réflexion autour de la transition énergétique. On pourrait en parler des heures. Nous avons vu que pour l'automobile, il y a un soutien des institutions. Pour l'État, il est nécessaire de développer l'industrie de l'automobile. L'un et l'autre, dans vos démarches, vous sentez que la réflexion pour les États-Unis est prise en compte sur la nécessité de transformer peut-être cette addiction en un passé oublié. Pour les États-Unis ? Pour les États-Unis? Pour les États-Unis, je pense que c'est une vue de l'esprit. Ouais. Par contre, en France, on n'a toujours pas de pétrole. On a un peu du mal à trouver des idées nouvelles. Mais si on veut mettre en œuvre les accords de Paris, il est évident qu'il faut dépasser d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, le modèle archi-dominant de la bagnole individuelle. Mathieu Flonneau, est-ce qu'aux États-Unis, cette prise en compte de la transition nécessaire fait écho à la réflexion qu'on peut trouver chez les institutions, un soutien officiel? Bah écoutez, là de surcroît, ce qui lève toute hypocrisie actuellement, c'est la position du président Trump. Nous sommes dans une société qui n'est plus hypocrite sur ce sujet-là et qui vise plutôt à forcer les feux, y compris contre une industrie automobile très consciente des enjeux. Le président Trump a pris des positions opposées aux grands constructeurs automobiles qui souhaitaient réduire la consommation des véhicules. Et en même temps, le grand virage sera le virage de l'électrification, mais qui pose énormément d'autres problèmes d'approvisionnement tout à fait comparables en matières rares et de recyclage tout à fait problématique. Oui, en fait, il va y avoir une translation des problèmes vers un autre domaine. Mais, oui, mais à quel coût? Et puis surtout, sur les finalités profondes, je pense qu'il faut s'interroger sur le procès de l'individualisme qui se trouve derrière. Et il y a une réflexion sur les transports publics, les transports en commun, évidemment, à accomplir. Mais ceci est peut-être aussi en contradiction profonde avec certains souhaits, et ça minorerait la réflexion sur la dépendance, parce que la dépendance peut être souhaitée. Oui, la dépendance peut être souhaitée, donc la réflexion serait plutôt sociale, de réfléchir sur le lien qui unit les gens et le rapport à la société, plutôt que de réfléchir à la transformation de l'industrie elle-même. Il faut tout réfléchir, il faut réfléchir les usages, les habitudes, mais aussi la durabilité économique et la soutenabilité économique de ces nouveaux modèles. Mathieu Ozano, vous, dans votre groupe de réflexion, il y a de l'espoir un petit peu quand même, rassurez-nous, parce que ça fait peur. Oui, bah, il y aurait un moyen très facile de réduire considérablement la consommation de pétrole de l'automobile, mais ça suppose de battre en brèche prendre le contre-pied de l'horizon de la consommation qui est, si tu réussis, il te faut une grosse bagnole. Une bagnole standardisée, interdire de vendre des bagnoles qui consomment plus de 2 litres au 100, c'est tout à fait possible. C'est culturellement, techniquement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Il suffit de faire des deux chevaux avec des pots catalytiques. On peut dire la voiture de demain est une deux chevaux avec un pot catalytique, ou alors c'est pas une voiture, c'est un vélo, c'est un bus, c'est un train. Mais ça prend le contre-pied, là je rejoins Mathieu, ça prend un contre-pied radical avec le modèle culturel qui est celui du XXe siècle dont nous sommes issus. Voilà. Mais il faut le faire. D'où la nécessité de connaître ce modèle culturel si l'on doit se construire en opposition à ce modèle. Donc il faut lire Mathieu Flonneau, Les cultures du volant 20e, 21e siècle, ou alors pour mieux comprendre le monde du pétrole, la grande histoire du pétrole, le titre de l'ouvrage c'est Or noir de Mathieu Ozano. Merci beaucoup à vous deux. Demain nous continuons à réfléchir sur les différents usages du pétrole. Oui, nous allons nous demander si notre société ne serait pas complètement pétro-façonné jusqu'au moindre recoin, de l'enfer des sacs plastiques à l'art contemporain. Le pétrole irrigue nos sociétés. En fait, demain, nous allons réfléchir à ça, au plastique et à l'art plastique. Merci beaucoup à tous. C'était Merci Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Et demain, nous poursuivons notre aventure pétrolière ou pétrolifère, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site du Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et à bientôt, très vite, sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.